chantonne dans les cœurs. Il laisse dans l'espace un doux sillage de bonheur. Chacune dit sans doute, c'est lui que je voudrais aimer. Et tout au long de sa route, il vole en cueillant des baisers. Tous ses cœurs doux et tendres, ses rêves, ses élans. L'oiseau va les défendre avec son cœur d'amant. Qui s'en va, mais un jour dans l'espace, son aile à nouveau brillera.